Le Parti communiste pourchasse littéralement l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il traque et il persécute les élus de Dieu. Ce n'est qu'une bande de fous sadiques. C'est vrai, oui. Mais Dieu utilise les services du Grand Dragon Rouge pour former le groupe de vainqueurs. Nous devons continuer de croire en sa toute-puissance et avoir confiance dans ses promesses envers nous. Écoutons un extrait de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ça va renforcer notre foi. D'accord. D'accord. Avez-vous déjà accepté les bénédictions qui vous ont été données? Avez-vous déjà poursuivi les promesses qui vous ont été faites? Sous la direction de ma lumière, vous briserez sûrement l'emprise des forces des ténèbres. Au milieu de l'obscurité, vous ne perdrez sûrement pas la lumière qui vous guide. Vous serez sûrement maître de toute la création. Vous serez sûrement un vainqueur devant Satan. À la chute du royaume du grand dragon rouge, vous resterez sûrement debout au milieu des foules innombrables pour rendre témoignage à ma victoire. Vous serez sûrement résolu et inébranlable au pays de Sinim. Par les souffrances que vous supportez, vous hériterez de la bénédiction qui vient de moi et rayonnerez sûrement dans l'univers avec ma gloire. Rendons grâce à Dieu. Grâce lui soit rendue. Aujourd'hui j'endure des épreuves pour l'amour de Dieu. Demain j'hériterai des bénédictions de Dieu pour voir le jour où Dieu obtiendra la gloire. J'abandonne. Humilié ou lésé, je rendrai l'amour de Dieu toute Madame, ma vie. C'est lui. Je donne le Dieu le plus doux, je me laisse le plus amer. J'ai choisi de témoigner pour Dieu. Rien ne peut changer mon cœur. Je ne me soumets. L'exhortation de Dieu en l'esprit, j'humilierai Satan. Mon cœur rempli de larmes, je choisis d'endurer les humiliations. L'amour de Dieu inspire la passion dans mon cœur, me donne une grande force pour suivre Dieu. J'ai choisi de témoigner pour Dieu. Rien ne peut changer mon cœur. Quand Dieu gagnera la gloire, nous danserons à tour de son trône. Nous nous reposerons pour toujours, dans de nouveaux cieux et terres. J'ai de l'adieu le plus doux, je me laisse le plus amer. J'ai choisi de témoigner pour Dieu. Rien ne peut changer.